Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde. Vivre les différences. Voir. Sentir. Toucher. Entendre. Regarde ailleurs, l'émission radio. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Mariée et promise à une carrière confortable, Linda Bortoletto menait une vie qui avait tout pour la rendre heureuse en apparence. Des années durant, elle a étouffé sa petite voix intérieure qui lui soufflait qu'elle n'était pas à sa place, jusqu'au jour où tout son monde a explosé. Depuis, elle parcourt les contrées les plus isolées et transmet son expérience à travers son livre et des conférences. Linda, je ne te connais pas. Mais l'idée, c'est de te rencontrer. Donc j'ai dû voir un peu sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, passer l'un ou l'autre post. J'ai vu que tu voyages, j'ai vu que tu rentres du Tibet. Je sais que tu étais au Kachamka et tu as sorti un bouquin qui retrace un petit peu ton parcours et ton aventure. Donc on va parler de tout ça dans l'émission Regarde ailleurs, qui donne la parole à des voyageurs, comme ce que tu sembles incarner. Donc Linda, si tu devais te présenter, qui es-tu ? Qui je suis, ça c'est une grande question. Répondre rapidement à ça, c'est un petit peu complexe. Et je pourrais dire que tout simplement, je suis quelqu'un qui aime la vie et qui a décidé un jour d'explorer la vie et d'explorer le monde et de transmettre les enseignements que je retirais de toutes ces explorations. Et en l'occurrence, donc ça a commencé il y a 5 ans ou auparavant, avant justement de me lancer dans cette exploration. Je menais une carrière très normée, très cadrée, où je travaillais, enfin j'étais officier dans la gendarmerie. Et en l'occurrence, je me suis retrouvée quand j'avais 27 ans, je suis passée au grade de capitaine détaché au ministère des Finances à Bercy. J'étais mariée, tout allait bien, situation sociale parfaite, hein, si on prend les normes de la société. Sauf que le jour où mon père est mort, j'ai tout simplement ouvert les yeux sur ma vie et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Et c'était assez violent parce que d'une part, je ressentais la souffrance de la mort de quelqu'un dont j'étais très proche. Et puis d'autre part, je me suis retrouvée tout d'un coup face à une personne que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la personne que j'étais devenue, qui menait une carrière qui était très intéressante d'un point de vue des opportunités, sauf que c'était très loin de mes envies, très loin de mes passions. J'étais à côté, je vivais avec une personne, avec mon mari, qui était quelqu'un avec qui ça se passait très bien, sauf que c'était pas tout simplement la personne qui me correspondait. Et du coup, face à cette prise de conscience, je suis arrivée à une conclusion qui était de tout quitter. Donc en à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai tout largué, j'ai démissionné, j'ai divorcé et je me suis recentrée sur ce qui m'a toujours fait vibrer depuis que je suis jeune, c'est-à-dire le voyage, l'aventure et l'action. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, j'étais rentrée dans l'armée, sauf que l'armée ne m'avait pas proposé ça au final. Et donc, j'ai décidé de monter mes propres projets de voyage et d'aventure dans des régions isolées du monde et des régions qui me parlent. Mais avant, dans ton enfance, dans ton adolescence, tu avais déjà goûté au voyage ou c'est vraiment quelque chose que tu avais endormi en toi qui s'est réveillé au décès de ton père ? Disons que, alors moi c'est particulier parce que je porte le voyage en moi déjà du fait de mes parents, puisque ma maman est indonésienne, mon père est franco-italien. Enfin, mon père en plus était pilote, donc voyageait beaucoup. À la maison, c'est rempli de statues d'Afrique ou de photos d'Asie. Donc c'est vrai que j'ai vraiment grandi dans cette ambiance de voyage. Et en plus, par-delà de ça, c'est vrai que quand on me demandait ce que je voulais comme cadeau pour mon anniversaire ou des choses comme ça, moi je voulais voyager, quoi. Ça a toujours été une idée constante que j'ai eue. Et je me souviens de mon premier voyage que j'ai fait avec mon papa d'ailleurs. Donc j'avais à peu près 14 ans, on a parcouru tout l'Ouest américain ensemble, il m'avait offert ça justement pour mon anniversaire. Et tout simplement, moi, à partir de là, je savais que c'était ce que je voulais faire. D'où ce choix d'aller dans l'armée, parce que déjà, je voulais voyager, mais j'avais aussi cette fibre pour l'aventure et pour l'action. Or, quand on a 15 ans, on est au lycée, on nous demande de choisir un métier. Des métiers d'action, il n'y en a pas énormément. Et c'est ce qui m'a orienté vers, à la base, une carrière où je voulais devenir pilote de chasse. Pour voyager, pour l'action, et puis pour ce côté, ce goût pour les extrêmes. Alors, pilote de chasse, parce que quand j'étais ado, en fait, j'ai passé mon brevet de pilote de planeur, donc j'ai goûté à cette sensation de liberté qu'on a dans les airs. que je pensais du coup retrouver dans l'armée. Alors le problème que j'ai eu, donc j'intègre l'école de l'air de Salon-de-Provence à 20 ans et les médecins militaires me détectent une scoliose, ce qui fait que j'ai été déclarée inapte au siège éjectable. Donc j'ai pas pu devenir pilote de chasse. Et la médecine militaire étant ce qu'elle est, ils m'ont déclarée inapte au pilotage d'avions de transport et au pilotage d'avions, enfin d'hélicoptères. Donc du coup, en gros, c'était clair, je pouvais pas être pilote. Donc j'ai basculé, j'ai quitté l'armée de l'air, parce que c'était trop frustrant pour moi de rester dans l'armée de l'air alors que je ne pouvais pas réaliser mon rêve d'être pilote. Je me suis retrouvée en tant qu'officier de gendarmerie. Donc ce n'était pas du tout mon rêve au départ, mais chemin faisant, ça a été une porte qui s'est ouverte et je l'ai prise. Alors l'action, je l'avais, sauf que le voyage, pas du tout. Pendant les vacances. Ouais, pendant les vacances. Et puis, entre-temps, je me suis mariée. Et puis, c'est là qu'on voit la capacité qu'on a à se voiler la face. C'est-à-dire que ces rêves qu'on a, adolescents, enfants, on les enfouit en nous. Et puis, on prend ces rails sur lesquels on s'est engagé jusqu'au jour, et moi, en l'occurrence, jusqu'au jour où mon père est mort, où ça fait office d'électrochoc, où j'ai ouvert les yeux sur ce que j'étais devenue et puis sur ce que j'avais oublié, c'est-à-dire cette petite fille qui rêvait de voyages, d'aventures et d'aller au-delà des frontières. Et puis donc il m'a fallu à peu près 2 ans et demi de longue introspection, donc une période qui a été très tortueuse, très sombre d'un côté, parce que je savais qui je n'étais plus, mais je ne savais pas encore vers où aller. Donc il faut qu'on fasse face à une chose qui est l'inconnu, donc ça fait peur. Et l'inconnu, il faut qu'on fasse face à nous-mêmes. Donc c'est une étape qui est nécessaire à un moment donné quand on se pose les questions et si on veut prendre vraiment la voie qui nous correspond. Donc ça a été une période où je sortais énormément, où je m'adonnais beaucoup à la boisson, où je faisais les fêtes pas possibles jusqu'au bout de la nuit. Et donc c'était très... un peu schizophrénique, c'est-à-dire que j'avais ce côté très explosif le soir et notamment la nuit. Et le jour, je retournais travailler à Bercy en tailleur comme si de rien n'était. Et sauf que la graine en fait, de réflexion qui fait que j'ai commencé à aller chercher ce qu'il y avait à l'intérieur de moi était semée. Et finalement, quand tout ça a abouti et à un moment où j'ai pu voir clair, parce que du coup, cette période, c'était vraiment... J'étais entre l'obscurité de cette recherche de moi-même et la clarté qui commençait à émerger, finalement, que j'ai trouvé à travers mon premier voyage, où je suis partie donc au Kamchatka, à l'extrême-orient de la Sibérie et en Alaska. Cette destination qui est complètement inconnue, personne ne part en voyage au Kamchatka. Eh bien justement, avec ce caractère que j'ai, où j'ai ce goût pour les extrêmes, je me suis dit je veux partir loin. Comme je venais d'exploser tous les cadres que je m'étais moi-même imposé, j'avais cette envie de pulvériser tous les repères que je m'étais imposé, puis tous les repères que je possédais tout simplement. Et en fait, c'est un soir, je me suis posée devant une carte, d'ailleurs une carte que mon père m'avait offerte là, depuis longtemps, et je me suis dit, je vais choisir ma destination. Je savais que j'allais tout quitter, mais il fallait que je parte. Et je me suis posée devant cette carte, et mon regard a dévié vers la Sibérie, où évidemment, on trouve toutes ces immensités et on trouve peu de personnes. Donc un côté très authentique à la nature, très sauvage. Et tout d'un coup, mon regard se fige sur cette péninsule, à l'extrême-orient de la Sibérie, qui est le Kamchatka. Et là, ça a été assez mystique. Ça a été comme un appel de l'intérieur et j'ai su que je devais aller là-bas. Sans connaître rien de cette région du monde. Sans connaître rien, même pas le nom. Et j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, tiens, c'est marrant cette péninsule. J'ai regardé sur Internet ce qu'on disait sur cette région. Et finalement, tout ce que j'ai vu, ça me parlait. Il y a les ours, les volcans. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les volcans. C'est vraiment l'expression de la force de la nature. Les peuples, les traditions et surtout... très peu d'informations, donc je me dis, justement, s'il y a très peu d'informations, c'est qu'il y a peu de personnes qui y vont. Et moi, ayant cet esprit de contradiction, je me dis, moi, je vais y aller et je vais faire mon premier voyage là-bas. Donc là, tu avais déjà tout quitté, ton métier, ta vie professionnelle. Tu t'étais préparé comment pour réaliser cette expérience-là, cette aventure-là ? À l'heure où je prépare ce voyage, je travaille encore à Bercy. Donc voilà, le jour, je suis encore dans cette vie cadrée, du moins en apparence, parce que dans mon esprit, je suis déjà dans l'évasion. Et donc, le soir, je rentre chez moi, je commence à apprendre le russe, et puis je commence à préparer le voyage concrètement, comment on y va. On va dire que mon côté militaire, qui m'a donné quand même une formation solide, est revenu, puisque j'ai décidé de faire un voyage de reconnaissance de 2 semaines. Il fait froid, il neige, et de façon étonnante, je marche, je suis seule, je connais personne, et je me sens comme chez moi. De façon très mystique, je sais où est-ce que je dois aller, et finalement... je rencontre des Russes au hasard de mes pérégrinations qui me donnent des informations sur les Kamchatka et qui tout d'un coup, donc je rencontre de Russe en Russe, je tombe sur des géologues qui me parlent d'une zone tout au nord du Kamchatka où vit un peuple nomade, éleveur de rennes, qui s'appelle le peuple Tchouktche. Et ils me disent comme ça, voilà, c'est une région qui est très isolée, encore plus isolée que le Kamchatka lui-même. Et chaque été, eux, ils y étaient allés 15 ans auparavant, ils font une transhumance avec des rennes jusque la mer de Bering. Et là, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, c'est génial, j'ai envie d'y aller. Et donc, ce sont ces géologues qui m'ont aidé à prendre contact avec ce peuple. Et c'est comme ça que, donc, du coup, 3 mois après, au mois de juillet, j'ai mis les pieds. Donc, on y accède par hélicoptère dans cette zone, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien du tout. Et au mois de juillet, je mets les pieds dans ce village tout au nord du Kamchatka pour vivre avec le peuple nomade éleveur de rennes. Pourquoi est-ce que tu choisis de vivre cette expérience ? Quel est l'appel ? Pourquoi tu te retrouves au fin fond du Kamchatka pour passer du temps avec les éleveurs de rennes ? Est-ce que tu as une envie d'écriture, de dessin, de film ou simplement vivre l'immersion ? Quelles sont tes motivations ? J'ai laissé tomber le pourquoi, tout simplement. J'ai eu envie de vivre ce dont j'avais envie, c'est-à-dire le voyage, l'aventure, mais tout simplement vivre la vie dans tout ce qu'elle a de plus imprévisible. Donc je sentais que je devais aller là-bas. Et évidemment, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu veux aller là-bas ? Mais moi-même, je ne savais pas répondre à cette question. Je savais que je devais y aller. Tout ce que je savais, de façon très rationnelle, c'est que je voulais vivre quelque chose de fort et je voulais vivre quelque chose d'intense, très loin de ce que j'avais connu. Et tout simplement, sans se poser de questions, j'ai vraiment écouté cette voix intérieure qu'on appelle l'intuition, qui m'a guidée là-bas, et puis cette force qui émanait de ces terres. C'était vraiment quelque chose de magnétique pour moi. Et donc, sans me poser de questions, j'y suis allée. Et ce que j'y ai trouvé, j'ai fait ces 3 mois de transhumance auprès des nomades. Alors j'y ai trouvé évidemment tout ce qu'on peut imaginer, une nature qui est immensément sauvage, qui est vierge de toute trace humaine, puisque je vivais avec une brigade de 11 éleveurs de rennes. Et pendant 3 mois, on n'a croisé aucune autre présence humaine. Les seuls êtres vivants qu'on croisait, c'était les ours ou les saumons qui remontaient les rivières. Et en fait, le pourquoi, finalement, autant on ne peut pas y répondre avant, mais je suis capable d'y répondre après, pourquoi je suis allée là-bas, tout simplement pour me trouver en tant que moi-même. Et le voyage, ce voyage au Kamchatka, qui est un véritable voyage initiatique, parce que finalement, c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas dans ma nouvelle vie, et c'est là-bas que je me suis rencontrée telle que j'étais au plus profond de moi-même. Une chose que j'ai comprise là-bas, c'est de vivre l'instant présent sans se laisser emprisonner par son passé et sans tomber dans les craintes de l'avenir. Et tout simplement, je vivais l'instant présent sans me poser de questions. J'étais là, tout simplement, en contemplation dans la nature, dans cette vie avec les nomades. Mais tu as facilement trouvé ta place avec les nomades, parce que tu partageais rien avant d'aller là-bas. Tu ne connaissais pas le mode de vie des rennes. J'imagine que tu avais tout à apprendre, tout à redécouvrir. Comment s'est passée ton intégration ? C'est ça que c'est très étonnant, parce que oui, très rapidement, je me suis sentie là-bas chez moi. Comme ces premiers pas que j'ai fait dans cette ville immonde de Petropavlovsk, c'était vraiment étonnant. Alors déjà, eux, très accueillants, ils étaient tellement heureux et tellement ils se sentaient honorés qu'une étrangère vienne de si loin pour venir vivre avec eux, sans idée de reportage ou d'écriture ou quoi que ce soit, simplement pour découvrir comment ils vivaient. Donc du coup, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et puis moi, j'ai fait ce travail de désinstruction, finalement. C'est-à-dire que j'ai oublié tout ce que je pouvais connaître. Et c'est comme si on se remettait dans un état naïf d'enfant, où simplement on regarde, on écoute, on oublie notre langue, on oublie la façon dont on peut manger, dont on peut boire. Et je les regardais et je faisais comme eux. Donc vraiment, cet apprentissage par imitation. Et finalement, qui a fait que j'ai appris quelque chose qui me correspondait davantage que tout ce que j'avais pu apprendre auparavant. Et du coup, oui, ça a été formidable parce que les premières barrières qu'on pourrait penser que ce soit les barrières de la langue, notamment la barrière de la culture, ces barrières n'existaient pas. J'étais tout simplement avec des personnes qui partageaient la même vision de la vie que moi, qui des personnes qui aiment la nature, qui vivent au rythme de la nature, et des personnes qui sont en accord avec ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que ça a été une évidence, cette relation et ce voyage. Est-ce que tu peux me parler du rapport au temps ? Ici, dans nos vies, on est souvent dans le tourment du temps, on n'a pas le temps. Tout va tellement vite, mais dans des conditions comme celle-là, loin de tout, dans la nature, dans cette immersion, le temps est une valeur complètement différente de celle qu'on peut avoir dans notre quotidien. Ouais, c'est une des choses que j'ai apprises aussi au cours de ces voyages, c'est quand je parle de la valeur de l'instant. C'est vivre le temps présent, c'est quelque chose qu'on oublie totalement dans nos sociétés, dans nos vies quotidiennes, où on est toujours, on a les soucis du quotidien, les soucis professionnels, personnels, on est toujours en train de penser à un rendez-vous qu'on a, à un projet qu'on va monter, et on est en fait toujours dans l'après ou dans le passé, des choses qu'on, mince, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça, mince, j'aurais dû dire ci. Et sauf que là-bas, on est totalement dans l'instant, et il y a aussi ce temps qu'on rapporte à l'espace, c'est-à-dire que dans nos sociétés, non seulement le temps, mais le temps se raccourcit et se rétracte parce qu'on a l'impression que tout va très vite et on n'a pas le temps, tout simplement. Et on oublie totalement la notion de l'espace puisqu'on a des voitures, des métros, des avions, toutes ces choses-là qui fait qu'on perd cette notion de l'espace avec en même temps ce temps qui n'existe plus. Donc on vit dans une dimension qui n'est plus du tout connectée à la réalité. Alors que là-bas, c'est totalement l'opposé, c'est que le temps est complètement connecté à la nature, c'est-à-dire que le temps en tant qu'heure, minute, seconde, c'est pas ça qui est important. Le temps, ça devient juste un soleil qui se lève et un soleil qui se couche. Le temps, il est connecté également à l'espace, c'est des distances qu'on parcourt, ça se traduit en nombre de pas réalisés dans la toundra. Et on est vraiment connecté à l'espace, à la nature, et c'est comme ça qu'on se reconnecte avec soi. Et finalement, le temps s'efface devant l'espace, c'est-à-dire que les Tchouks, et c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai connu aussi dans l'Himalaya, on ne parle pas en on va arriver dans 5 minutes, on dit on va aller là-bas et on y va, point. Et on voit quand est-ce qu'on y arrive, tout simplement. Come. On va changer de lieu, changer de destination. Donc, tu termines ton voyage au Kachanka et après, qu'est-ce qui se passe? Comment se passe le retour et pourquoi est-ce que tu choisis de rentrer? Non, je rentre pas en France. Pourquoi? Parce que justement, dans cette idée de partir, je m'étais dit, je vais faire 3 mois au Kamchatka. Et avant de partir, j'étais tombée sur un livre qui m'a vraiment interpellée sur le peuple, l'histoire du peuple Aléout, qui est un peuple qui vit en plein milieu de la mer de Bering sur les îles Aléoutiennes. Et je me suis dit, tiens, c'est génial, il faut que j'aille les rencontrer. Et en fait, je rencontre un messager de ce peuple-là, qui est un grand sage qui a été élevé de façon traditionnelle par ce peuple, qui vit en Alaska. Donc, il me donne des informations sur son peuple. Donc, je pars sur ses conseils en plein milieu de la mer de Bering pour découvrir le peuple Aléout. Sauf que là, désillusion, je me rends compte que le temps, finalement, a fait son travail de modernisation, notamment. Et le peuple Aléout ne vit plus du tout de façon traditionnelle, mais vit comme n'importe qui dans une société moderne, et notamment avec l'américanisation. C'est-à-dire qu'ils mangent des hamburgers, des nachos, ils regardent la télé, et ils ont perdu ce contact avec la nature. Et donc, il y a eu un contraste fort avec ce que j'avais vécu avec les Tchouktches quelques semaines auparavant. Et donc, je décide de repartir sur les terres de l'Alaska. Et là, chose qui n'était absolument pas prévue, j'achète un vélo et je décide de traverser l'Alaska à vélo. Qu'est-ce qui fait que tu es attiré par l'authentisme? Tu parles donc loin de la société moderne, tu cherches le côté traditionnel, pourquoi? En fait, je pense que déjà, je suis à la recherche de la simplicité. C'est-à-dire que j'aime ressentir la beauté du monde, et pour moi, la beauté du monde, la beauté des gens, on la vit et on la retrouve dans la simplicité des relations. Et finalement, c'est dans ces régions sauvages où l'entraide est une question de survie qu'on peut retrouver ce sens du partage, ce sens de la solidarité et ce naturel où on vit pas dans un monde qui est dicté par l'apparence, où la façon dont on s'habille va permettre de déterminer un statut social, un métier va déterminer un statut social. On n'est pas du tout là-dedans. On est simplement on est dans l'échange. C'est là-bas que j'ai découvert des personnes qui sont encore connectées avec la nature et qui sont connectées avec eux-mêmes. Et c'est ce que j'aime. Et je retrouve une beauté intérieure chez les gens qui me rassure tout simplement sur le monde et sur l'avenir. C'est pour ça que j'aime vivre ça et que je suis à la recherche de cette authenticité dans le monde. Mais une fois qu'on l'a vécu, que tu découvres cette authenticité, que tu la vis intérieurement, comment est-ce qu'on fait pour revenir? Je veux toujours aller plus loin vers moi-même déjà, parce qu'à partir du moment où on a trouvé cette lumière qui repose en nous, qu'on a tous, hein, sauf que des fois elle est obscurcie, et même très souvent obscurcie par différents paramètres, nos vies, enfin les soucis qu'on a dans nos vies quotidiennes, et par aussi des fausses valeurs que nous inculque la société, on oublie que finalement ce qui est important c'est pas de se tourner vers l'extérieur mais c'est de se tourner vers soi et que toutes les réponses qu'on se pose finalement elles reposent en nous. Moi ce que j'ai compris c'est que, alors j'aurais pu ne jamais revenir, j'aurais pu continuer cette vie d'ermite autour du monde, sauf que déjà d'une part j'ai mes proches qui auraient été traitistes si j'étais jamais revenue. Et en plus, je me suis dit, c'est très égoïste de ne pas partager ce que j'ai découvert sur moi-même. Parce que moi-même, si quelqu'un à un moment donné m'avait expliqué tout ça, peut-être que j'aurais fait d'autres choix dans ma vie, ça m'aurait facilité, même si je crois profondément que chacun doit vivre ses propres expériences, au-delà de ce qu'on peut lire dans les livres ou entendre d'autres personnes. L'expérience vaut 1000 fois n'importe quel livre ou n'importe quelle parole. Mais alors du coup, et comment poursuivre dans cette société? Mais tout simplement, quand on a trouvé cette lumière intérieure, peu importe où on est, on sait qu'elle est là. Donc, et c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Alors, évidemment, quand on est en pleine nature, c'est que du bonheur. Hein. Il suffit de se poser, de regarder et d'écouter ce silence qui nous entoure pour comprendre qu'il y a autre chose dans la vie que les soucis du quotidien. Mais finalement, cette sagesse que j'ai trouvée à travers mes voyages, ça fait 5 ans que je voyage comme ça maintenant, j'arrive à la transposer, y compris dans des sociétés urbaines où effectivement le monde est un peu fou, complètement fou, va trop vite. Et cette démarche qui s'apparente finalement à une démarche un peu monastique, c'est pas parce qu'on est... On n'est pas isolé en pleine montagne, qu'on ne peut pas l'avoir, y compris dans un milieu urbain. Donc tu penses qu'ici, dans une ville, on peut aussi se reconnecter à l'environnement, à la nature et retrouver cette forme de simplicité? Oui, tout à fait. Déjà, se reconnecter à soi. Alors la nature, c'est un peu compliqué en ville, il faut aller chercher les arbres. Enfin, moi, je sais que je la porte en moi, dans mes souvenirs, je la porte dans mon cœur, tout simplement. Il faut se protéger aussi, c'est-à-dire que très vite, c'est comme tout équilibre, quand on trouve un équilibre, il n'est jamais stable à 100%. Un équilibre, il peut être très facilement déstabilisé. Donc là, je sais que le chemin que j'ai à parcourir est encore très long, mais je sais qu'à des moments, j'aurais pu rebasculer, reprendre un métier, ou bien même, des fois, je sombre dans mes doutes en me disant, parce que mine de rien, je suis quand même assez marginale dans cette façon de penser, même si on est de plus en plus nombreux à penser de cette façon, et ce qui crée un lien qui est très fort, et ce qui me donne l'espoir en l'avenir, c'est qu'on est beaucoup à ouvrir les yeux sur le monde et sur la vie. Mais on peut très vite retomber. Enfin, de toute façon, c'est un peu l'idée du taoïsme, cette philosophie. Voilà, il y a l'obscurité, il y a la lumière, quoi. C'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est vraiment un ensemble et on peut basculer dans l'un ou dans l'autre. C'est parce qu'il y a de l'obscurité qu'il y a de la lumière. Donc, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, l'émission radio. À travers ton regard, je me découvre. Regarde ailleurs sur le chemin des différences. Une question beaucoup plus pragmatique et terre à terre. Ici, quand on est en France, tu avais ton métier, donc tu avais un salaire fixe qui tombait tous les mois. Oui. Maintenant, comment est-ce que tu gères cette contrainte économique? Donc tu as choisi de vivre de tes rêves, vivre de tes inspirations, chercher cette cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais, mais se pose quand même la problématique économique. Parfaitement, et ça a été très compliqué, notamment au retour de ce premier voyage. Donc je suis partie 5 mois, donc il me restait des économies, hein, comme j'avais quand même travaillé pendant 10 ans. Sauf que la vie à Paris, je suis rentrée à Paris, grosse erreur, parce que c'est très compliqué. Je suis partie en Pologne, parce que, déjà on m'avait invitée pour une conférence, j'ai mis les pieds là-bas, j'ai vu que la vie était très calme, 3 fois moins chère qu'en France, donc justement pour être très pragmatique, ça m'allait parfaitement. Où j'ai vu qu'avec mes économies, je pouvais vivre plus longtemps que ce que j'aurais pu vivre en France. Je me suis mise en indépendante, parce que le voyage m'avait fait vivre et je voulais vivre par le voyage. Donc la condition, c'était de continuer comme ça. Je ne voulais pas abandonner et reprendre une vie un peu plus classique. Donc je me suis mise à mon compte, et ce qui fait que concrètement, depuis 5 ans, ce que je fais, c'est que pendant 6 mois, je travaille en tant qu'indépendante. Donc, en Pologne, je travaille pour l'Alliance française. Là, ici à Paris, je décroche des contrat ou c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le voyage, mais on va dire ça me permet de vivre au quotidien, où j'organise des événements pour les entreprises. Et là, concrètement, depuis que mon livre est sorti, notamment, je donne des conférences pour les entreprises, des formations sur le thème du dépassement, sur le fait d'injecter des valeurs dans les entreprises qui sont autres que les valeurs classiques que la société peut nous inculquer. Et donc voilà, j'accumule un petit peu d'argent pour vivre au quotidien, ce qui est le plus compliqué. Et sinon, pour le voyage, je trouve du sponsoring. Donc j'ai la chance à chaque fois d'avoir pu trouver des entreprises qui ont financé mes voyages ou de décrocher des bourses pour le voyage. Et c'est comme ça que j'arrive à vivre depuis 5 ans. Donc je vis mes rêves tout simplement depuis 5 ans. Je ne dis pas que c'est facile, c'est très compliqué, beaucoup de doutes, beaucoup de persévérance et beaucoup de travail. C'est-à-dire que les voyages, concrètement, j'arrive à partir de 3 à 6 mois par an depuis 5 ans. Donc les voyages, c'est vraiment la concrétisation de tout ça, ce qui est de plus beau. Et puisque je vis ce que j'ai eu envie, je vis mes rêves tout simplement. Merci Linda. Donc pour te retrouver, tu as un site internet, hein, c'est quoi? C'est Linda Bortoletto? En tapant ça dans Google, on va te trouver. C'est ça, ouais, lindabortoletto.com. Merci à toi. Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.